Ton mari, il mesure combien? Paul, il mesure 1m87. Il est grand. Et Jean, il mesure combien? Jean est petit. Il mesure 1m65. Et ta mère, elle est grande ou petite? Elle mesure 1m65. Elle est de taille moyenne.